إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, on commence le cours 121 et on est dans le chapitre 44 dans le Kitab al-Tawhid. Le chapitre, le titre c'est « Babun qawlu ma sha'allahu wa shi'ta » c'est-à-dire la parole de dire ce que Allah a voulu et toi, ou ce que tu as voulu et ce que Allah a voulu et ce que tu as voulu. On a expliqué que ça, ça fait partie du shirk. On a expliqué qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on doit dire à la place. Ça, ça a été clarifié. Maintenant, on va continuer justement dans les autres narrations qui ont été mentionnées dans ce chapitre à ce sujet-là. D'accord? Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a mentionné ensuite, après avoir mentionné le premier hadith, il mentionne une autre parole de Abdullah ibn Abbas. Il dit وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما بل ما شاء الله وحده. Donc c'est à dire que Abdullah ibn Abbas il dit qu'il y a un homme qui est venu voir le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم et qui lui a dit ce que Allah veut et ce que tu veux. Il dit « Masha'Allah wa shi'ta » et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu à cet homme-là en disant « Est-ce que tu veux me mettre comme un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala ?» Dis ce que Allah a voulu lui seul. Ce que Allah a voulu lui seul. Et le cheikh Salih al-Fawzan, il explique maintenant cette parole. Il dit « Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam « Aja'altani lillahi niddan »« Qul masha'Allah wahda » الند هو الشبيه والمثيل والنظير يعني أجعلتني شبيها لله ومثيلا لله وشريكا له في المشيئة ثم أمره أن يستبدل هذه اللفظة بلفظة التوحيد فيقول ما شاء الله وحده وهذا إرشاد إلى الأكمل أن يقول ما شاء الله وحده وإذا قال ما شاء الله ثم شئت فهذا بيان للجائز فلا تعارض بين الحديثين. Le cheikh il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que tu as fait de moi un égal, est-ce que tu veux faire de moi un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, dis plutôt ce que Allah veut lui seul. Et le terme qu'il a expliqué, le terme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé, c'est le terme nid. On a expliqué dans le chapitre précédent, aja'altani, dans le chapitre l'avant-dernier, aja'altani lillahi niddan, et un nid, comme le cheikh l'explique, c'est al-shabih, al-mathil, wal-nazir, c'est-à-dire la ressemblance, le pareil, hein, qu'est-ce qui te ressemble ou qu'est-ce qui est équivalent ou quelque chose de ce genre. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire à cet homme, est-ce que tu veux essayer de me faire comme une ressemblance à Allah ou un pareil à Allah ou un partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa volonté. Et ensuite, il lui a ordonné de changer cette parole-là par une autre parole, c'est-à-dire une parole de tawhid, hein, de dire ce que Allah veut lui seul. C'est ça ce qui compte. Et donc, C'est comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam essaie de l'orienter et de lui indiquer ce qui est meilleur à suivre et ce qui est meilleur à dire. D'accord? Et donc, le cheikh il dit, en ce qui concerne la parole, masha'Allah, thumma shi'ta, masha'Allah, puis ensuite ce que Allah veut et ensuite ce que tu veux, ça c'est permis de le dire. Mais qu'est-ce qui est meilleur encore à dire? C'est masha'Allah wahda, c'est-à-dire ce que Allah veut lui seul. Donc ça c'est encore plus parfait que de dire masha'Allah thumma shi'ta. Mais les deux sont permis. Hein? Qu'est-ce qui est interdit? C'est de dire masha'Allah wa shi'ta. D'accord? Ensuite, le cheikh il dit wa hadan al hadithan. Ah oui, il dit donc il n'y a pas d'opposition entre les deux hadiths, entre celui qui dit de dire masha'Allah thumma shi'ta, puis celui qui demande de dire masha'Allah wahda. Il n'y a pas d'opposition ou de contradiction entre les deux hadiths. Après le cheikh il dit وهذا من سد الطرق الموصلة إلى الشرك فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك ونهى عن الطرق التي توصل إليه فإذا تلفظ بذلك ولو كان لا يعتقد فهذا وسيلة إلى الاعتقاد فيما بعد فيمنع اللفظ وإن كان لا يعتقد معناه لأن لا يفضي هذا إلى الاعتقاد. Donc le cheikh il dit que la raison de ça, la raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de dire « Masha'Allah wahda », ça c'est dans le but justement de fermer les portes vers ce qui peut amener quelqu'un à tomber dans qu'est-ce qui est plus grave. Wahda ça veut dire lui seul, hein? Wahid ça veut dire un, puis wahdahu ça veut dire lui, le hu à la fin c'est pour dire, hein? C'est le pronom de la troisième personne, c'est-à-dire lui, wahdahu, c'est-à-dire lui seul. Naam, al-ahad, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui seul, c'est-à-dire qu'on doit prendre en considération la volonté d'Allah, puisque c'est elle qui est au-dessus de toute autre volonté. Mais, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on nie la volonté des créatures, sauf qu'on reconnaît qu'elle existe, on reconnaît que les créatures ont une volonté, mais elle est limitée. Et elle vient après, elle passe après la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a cette parole-là. Et le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu couper toutes les portes qui nous amènent vers le shirk et qui peut nous amener au shirk. Et donc, la personne qui dirait, par exemple, masha'Allah wa shi'ta, et qui ne croit pas ça dans son cœur, et ne croit pas que la volonté de la créature, elle est égale avec celle d'Allah, il le dit juste comme ça, sans y penser ou sans réfléchir. Donc ça, c'est sûr que... Wa shi'ta. Non, wa, c'est le mot wa que tu dois regarder ici. Parce qu'il dit, masha'Allah, wa shi'ta. Et le prophète nous a interdit de dire ça. Il nous a dit, dites pas wa shi'ta, mais dites summa shi'ta. Tu comprends? Donc... Pourquoi summa? Parce que summa ça veut dire ce que Allah a voulu et summa et ensuite ce que tu veux toi. Mais quand tu dis wa shi'ta, c'est comme si tu disais ce que Allah veut et toi. Donc c'est comme si tu mettais la volonté d'Allah et la volonté de la créature au même niveau, au même degré. Et ça c'est une forme de shirk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a fermé la porte à ça, parce que quelqu'un peut dire par exemple masha'Allah wa shi'ta, ce que Allah veut et toi, sans prendre attention. Comme par exemple, ce que Allah veut est Bilal. Donc, quelqu'un pourrait dire ça sans réfléchir, et il ne croit pas dans son cœur que la volonté d'Allah et la volonté de Bilal sont équivalentes. Sauf que ça sort comme ça sans qu'il s'en aperçoive, ou sans qu'il n'y pense, et sans qu'il y croit. Hein? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, étant donné que vous pouvez le dire parfois sans réfléchir ou sans y croire, pour éviter justement que quelqu'un le dise en croyant à cette chose-là, alors ne le dites pas du tout, et dites plutôt « Masha'Allah ou summa shi'ta » ce que Allah veut, et ensuite ce que tu veux toi, ou ce que Bilal veut, ou ce que Faranaz veut, ou n'importe quel autre frère veut, mais si tu veux encore dire quelque chose de plus mieux, de encore mieux encore, si tu veux dire quelque chose de mieux encore, dis « Masha'Allah wahda », ce que Allah veut, lui seul. Et ça, c'est encore meilleur. D'accord. Maintenant, le cheikh, il va faire sortir de tout ce qu'on a appris maintenant, tous les bienfaits qui sont extraits des hadiths qu'on a mentionnés depuis hier, dans le début de ce chapitre. Le cheikh, il dit quoi ? Al-fa'idatul ula, le premier bienfait. ما ذكره الشيخ رحمه الله في مسائله قال فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى فهذا اليهودي مع كونه يهوديا مغضوبا عليه فهم أن هذا من الشرك لأنه يريد أن يتنقص هذه الأمة مع هذا تقبل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الملاحظة وأرشد إلى تصحيحها فهذا فيه فائدة ثانية وهي قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا. Ça c'est deux points que le cheikh a mentionné qui sont deux points très importants. Le premier point c'est que le cheikh il a mentionné parmi les masail, cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, parmi les points qu'il a mentionné c'est que فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى. La compréhension d'une personne lorsqu'elle a une passion. Hein? Lorsque quelqu'un il a une passion, il voit, il cherche en toi tes erreurs et tes fautes pour les faire sortir. Donc, ce juif-là, il est venu et malgré qu'il fait partie des gens que Allah est en colère contre eux, hein, les Yahoud, Allah dit à leur sujet, Al-Mardoubi alayhim, ce sont ceux que Allah est en colère contre eux, et malgré ça, il est venu ce juif pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vous faites le shirk, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté sa critique et il a fait faire les corrections et il a ordonné les corrections nécessaires, c'est-à-dire hein, de plus dire Masha'Allah wa sha'a Muhammad ou des choses de ce genre, et il a accepté la critique du juif et donc il a ordonné de se corriger. Même malgré que c'était un juif qui a fait cette correction-là. Ensuite, le deuxième point, c'est que on doit accepter la vérité de la personne qui nous l'amène. Peu importe qui il est. Non, on doit accepter la vérité de celui qui nous l'amène, même si c'est un ennemi. Même s'il vient avec quelque chose, puis qu'il est contre nous, ou contre notre manhaj, contre la vérité, même si c'est un muqtadir, ou c'est un kafir, ou un mushrik, ou un juif, ou n'importe qui, s'il vient et nous amène une vérité, quelque chose de vrai, ou qu'il nous critique et qu'il nous dit quelque chose de vrai, on est supposé de l'accepter, et on est supposé de dire oui, c'est vrai, c'est ce que tu dis, ça c'est pas correct, et de faire la correction. C'est pas parce que une vérité vient de notre ennemi qu'on doit pas l'accepter. On doit l'accepter même si elle vient de notre ennemi. الشيخ الزانشيط وفيه فائدة ثالثة نبه عليها الشيخ رحمه الله وهي أن اليهود على ضلالهم يفهمون الشرك وبعض علماء هذه الأمة لا يفهمون الشرك ولذلك يرون جواز عبادة الأضرحة والقبور ولا يستنكرونها ويقولون هذا من التوسل بالصالحين وليس شركا أو هذا يدل على محبة الصالحين و ويحبذون هذا الشيء ويحبذون على هذا الشيء ويرون أنه ليس بشرك مع أنه شرك مخرج من الملة والذي ذكره هذا اليهودي شرك أصغر لا يخرج من الملة وبعض المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة لا ينكرون الشرك المخرج من الملة الذي وبعض المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة لا ينكرون الشرك المخرج من الملة الذي يعد الآن في العالم الإسلامي لعبادة غير الله ففيه أن بعض اليهود أفهم من بعض العلماء المنتسبين إلى الإسلام نسأل الله العافية والسلامة. Donc ça c'est un point important aussi ما شاء الله que le Cheikh Al-Fawzan il nous donne. Et ce point c'est quoi? C'est que la personne qui est venue voir le cheikh, le cheikh Mohamed Abdul Wahhab, il a noté ce point, il a dit que les juifs, malgré leur égarement, ils comprennent certaines choses du tawhid que certains musulmans, même certains savants parmi les musulmans, ne comprennent pas eux-mêmes, alors qu'ils font partie des musulmans. Hein, donc on voit que certains parmi les ulama de notre umma, parmi les gens qui se disent musulmans, ils ne comprennent même pas ce qu'est le shirk. Et c'est pour ça que tu les vois qui prétendent que d'adorer les tombes, c'est quelque chose de permis. Hein, et ils ne dénoncent pas ceux qui adorent les tombes. Et ils disent que ça c'est une forme de tawassul par les hommes pieux, c'est-à-dire un moyen de se rapprocher à Allah par les hommes pieux, et que c'est pas du shirk. Et ça, ils pensent que c'est un signe que tu aimes les hommes pieux, et que tu te rapproches d'eux, de cette façon-là. Donc, ils incitent les gens à faire ces choses-là, et ils croient que ça ne fait pas partie du shirk. Et, malgré tout, hein, nous on sait que ça c'est une forme de shirk majeure qui fait quitter à quelqu'un l'islam. Et l'exemple que l'exemple de shirk que le juif a mentionné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça faisait uniquement partie du shirk mineur et non pas du shirk majeur. Mais certains parmi les gens qui sont reconnus comme étant des savants dans cette umma, ils ne dénoncent pas même le shirk majeur qui se produit dans cette umma et qui fait quitter à quelqu'un la religion et qui est répandu actuellement dans le monde musulman, dans l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y a dans cet exemple-là le fait que certains juifs comprennent mieux que certains savants qui se prétendent musulmans dans cette umma qu'est-ce qui a rapport avec le shirk et le tawhid dans certains aspects, et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon et qu'il nous épargne de ces choses-là. Pardon? Là, le point qu'il a mentionné dans ce point-là, il essaie de faire comprendre qu'il y a des juifs qui comprennent mieux le tawhid que certains faux soi-disant savants dans la Ummah qui ne dénoncent pas le shirk que certains musulmans sont en train de commettre. Il y a des musulmans qui adorent les tombes, et il y a certains qui disent ça, qui sont reconnus comme étant des savants, ils voient des musulmans en train d'adorer les tombes et les saints, et ils ne disent pas que c'est shirk, et ils ne dénoncent pas ces actions-là. Donc, tandis qu'il y a des juifs, dans l'exemple qu'on a vu dans ce hadith, un juif est venu et il a dit « vous faites le shirk ». Donc c'était pour montrer, malgré que c'était une forme de shirk mineur, que c'était pas une forme de shirk majeur, mais quand même, au moins ça montre qu'il avait une certaine compréhension que certains qui se disent musulmans n'ont même pas. Hein? Non, non, c'est pas ça, je sais de quoi tu parles. Il y en a pas juste lui. Toi tu parles d'Al-Kawthari, il n'y a pas juste lui, il y en a plein encore. Zahid Al-Kawthari, puis il y en a plein d'autres, il y a les Ahbash qui appellent à ça l'adoration des tombes. Hein? Il y a plein de monde comme ça qui appelle à ça parmi les gens qui disent musulmans. Et il y en a d'autres qui sont contre ça, ou bien qui disent que c'est haram, mais qui disent pas que c'est un shirk majeur. Comme par exemple, certains des du'at des Ikhwan, comme Hassan al-Banna, Sayyid Qutb et d'autres, ils dénoncent pas le shirk des gens qui adorent les tombes. Hein, et d'autres aussi parmi les têtes des Ikhwan. Ensuite, le shaykh dit, الفائدة الرابعة النهي عن قول ما شاء الله وشئت والنهي عن الحلف بالكعبة وبغيرها من المخلوقات لأن الحلف بغير الله شرك ولأنه تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى ولا يستحق التعظيم على الوجه الأكمل إلا الله سبحانه وتعالى ففيه أن الحلف بغير الله شرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا اليهودي على قوله إنكم تشركون فدل على أن هذه الألفاظ شرك. Donc le cheikh il dit comme le quatrième point que il y a l'interdiction dans ces hadiths là de dire ma sha Allah wa shi'ta, c'est-à-dire ce que Allah veut et toi, et l'interdiction de jurer par la Kaaba ou par autre créature. Il n'y en a pas d'autre de jurer par autre que Allah parmi les créatures. On doit uniquement jurer par Allah seul, et celui qui jure par autre que Allah a commis une forme de shirk, parce que c'est une forme d'exaltation et de vénération d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne mérite d'être honoré de cette manière-là et vénéré de cette manière-là et exalté de cette façon-là, de cette façon complète et parfaite, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a également dans ça le fait que celui qui jure par autre que Allah subhanahu wa ta'ala il commet un shirk. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté la critique de ce juif lorsque le juif a dit « vous faites le shirk ». Et donc ça prouve que ça fait partie des paroles de shirk de dire « Masha'Allahu wa shi'ta » ou de jurer par la Kaaba. Hein? Donc il a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cette critique et il a fait faire les corrections. C'est pas comme ceux d'aujourd'hui, par exemple, lorsque tu leur dis parmi les gens de Bid'a et les gens qui appellent au shirk, tu leur dis, vous, qu'est-ce que vous faites, c'est du shirk. Et au lieu de dire, oui, c'est vrai, on va corriger ça, on va cesser de le faire, on va avertir les gens contre ça, au lieu de faire ça, ils s'enflent d'orgueil et ils commencent à se défendre et essayer de nier que c'est du shirk. Donc ça, c'est très dangereux et très grave. Le cheikh, il dit, Al-Fa'idatu Sadisa. Non, on n'a pas le droit de jurer par une créature. On a uniquement le droit de jurer par Allah seul. D'accord? Que ce soit la Kaaba, ou que ce soit le prophète, ou que ce soit l'honneur, ou la tête de ta mère ou de ton père, c'est interdit dans l'islam de jurer. Hein? C'est ça. Par autre que Allah. On doit uniquement jurer par Allah. Sinon, c'est une forme de shirk mineur. C'est une forme de shirk mineur, asra. D'accord? Mineur si il croit que, c'est-à-dire s'il croit pas que c'est pour le mettre au même niveau que Dieu. Mais s'il croit qu'il jure par autre qu'Allah pour le mettre au même niveau que Dieu, là, dans ce cas-là, c'est une forme de shirk majeur. D'accord? Al-fa'idatu sadisa fi hadith ibn Abbas fi rajul alladhi qala lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma sha'a Allah wa shi'ta qala lahu aja'altani lillahi niddan fihi inkarul munkar فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه لا سيما إذا كان هذا المنكر شركا يخل بالعقيدة فإنه لا يجوز السكوت عليه بل يجب أن يبين ويبينه وهذا يشهد له أو يشهد لما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية التي سبقت وهي قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن عباس وهو قول الرجل لولا الله وفلان ولولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط لأتانا اللصوص. Donc le chef le dit comme sixième point dans cette parole, sixième point dans les paroles de Abdullah ibn Abbas, que à propos de l'homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit ma sha Allah wa shi'ta, il lui a dit est-ce que tu veux me mettre à égalité avec Allah, hein? Il a donc fait l'inkar, al-munkar. Il a dénoncé un mal, quelque chose de haram. Il a dénoncé ce mal-là. Et ça prouve une chose, ça prouve que dans l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans ce cas-là, il a dénoncé quelque chose de mal lorsque ça s'est produit. Et en particulier, quand ce mal est quelque chose qui a rapport avec le shirk et que ça vient détruire ta croyance, ta aqida, tu n'as pas le droit de te taire à ce sujet-là. Tu n'as pas le droit de te taire à propos d'un péché ou de quelque chose de mal qui est relié avec la croyance à l'aqida ou qui est relié avec le tawhid. Hein? Tu dois absolument dénoncer ce mal et le corriger si tu es capable. Ça c'est shirk. Ça c'est Abdullah ibn Abbas, c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le neveu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui a dit, qui a mentionné ça, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, qui a mentionné, Abdullah ibn Abbas, il a mentionné qu'un homme est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, est-ce que tu veux me mettre, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que Allah a voulu et toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, est-ce que tu veux me mettre à égalité avec Allah? Donc ça c'est comme si Abdullah ibn Abbas, il a expliqué qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. D'accord? Et donc il y a la preuve qu'on doit dénoncer le mal lorsque le mal se produit. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kabiru. Donc la place commence à être petite. Il va falloir se casser un peu. Naam. Donc, le cheikh il dit, la siyama idha kana hadha al-munkar yukhallu bil-aqida, ok. Et on peut mentionner également, il dit, donc on ne doit pas se taire, donc, quand il y a un mal qui a rapport avec la croyance, qui a rapport avec la aqidah, on doit la clarifier. Et parmi les choses qui témoignent de ça, il y a aussi l'autre parole d'Abdullah ibn Abbas qu'on avait mentionné dans les chapitres précédents, qui ont précédé. Et c'est par exemple l'explication ou le tafsir des versets qu'on avait mentionnés. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. C'est-à-dire, ne mettez pas des égaux avec Allah alors que vous savez. D'accord? Donc, c'est comme si Ibn Abbas, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne mettez pas des égaux avec Allah alors que vous savez. Abdullah ibn Abbas, il a dit à propos de ce verset-là, si ce n'était pas d'Allah et de cette personne, ou si ce n'était pas de ce chien, les voleurs seraient venus, ou si ce n'était pas de ce canard, les voleurs seraient venus. Donc c'est comme pour dire que ça aussi c'est des exemples qui rentrent dans le shirk asghar, dans le sens que tu essaies de, quelqu'un dit des paroles comme ça, et ça donne l'impression qu'on essaie de mettre Allah à égalité avec la création à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça fait partie des choses qui témoignent de cette interdiction-là qu'on a mentionnée dans ce chapitre. Et le cheikh dit, Naam, c'est comme si tu aurais dit, comme par exemple tu dis la voiture, il y avait un chien dans la voiture, et les voleurs sont venus, ils voulaient rentrer, mais ils ne sont pas rentrés parce que le chien était à l'intérieur. Donc quelqu'un il arrive et dit, si ce n'était pas de ce chien, ils auraient volé la voiture ou qu'est-ce qu'il y a dans la voiture. Ça c'est une forme de shirk asrar. Parce que qu'est-ce que tu dois dire, c'est si ce n'était pas du chien, si ce n'était pas d'Allah, puis ensuite de ce chien qui était dans la voiture, les voleurs auraient pu la voler. Donc tu dois mettre Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de la créature et pas de croire que c'est uniquement par rapport à la créature. Parce que bien entendu, yani, tout est contrôlé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai que le chien a été une cause, mais il ne faut pas croire que le chien à lui-même, c'est lui qui a éloigné ce mal. Le chien a été une cause, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte que cette cause-là, elle soit valable et qu'elle marche. Exactement. Oui, exactement. Comme quelqu'un qui dirait par exemple, si ce n'était pas de ce médecin-là qui m'a fait une opération, je serais mort aujourd'hui. Ça, tu ne peux pas dire ça. Tu dois dire, si ce n'était pas d'Allah, puis ensuite de ce médecin qui m'a fait cette opération-là, j'aurais été guéri. Et ça, c'est des formes de shirk dans les paroles, qui font partie du shirk mineur. Tant que quelqu'un ne croit pas en ce qu'il dit, mais s'il y croit réellement et qu'il met une créature égale, à égalité avec Allah, comme les soufis, par exemple, qui disent, si ce n'était pas de ce wali qui était dans cette tombe, j'aurais été, par exemple, malade ou ainsi de suite, là, il met le wali à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement dans ses paroles, mais également dans sa croyance, parce qu'il croit réellement que le wali a un pouvoir. Là, dans ce cas-là, ça, c'est shirk majeur, et non pas un shirk seulement mineur. Donc, ensuite, le shirk dit, فَفَسَّرَ اتِّخَاذَ الْأَنْدَادِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَهَا هُوَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَدُلُّ يَقُولُ أَجْعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا فدل على أن قول ما شاء الله وشئت اتخاذ للند مع الله سبحانه وتعالى وإن كان من الشرك الأصغر. Donc le cheikh il dit, on peut interpréter le fait de prendre ces choses là parce que c'est ça que Abdullah ibn Abbas a fait en fait. Non, Abdullah ibn Abbas il a interprété le fait de prendre ces choses-là et de dire ces choses-là, il a interprété comme si ça faisait partie de prendre des andad avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou de mettre des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là qui dit la même chose. Il dit, aja'altani lillahi niddan, est-ce que tu veux faire de moi un égal avec Allah? Donc ça prouve que de dire, masha'allahu wa shi'ta, ce que Allah a voulu et toi, ça fait partie de prendre des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, même si ça fait partie du shirk mineur. Ça fait quand même partie de prendre des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le shaykh il dit ensuite, قَوْلُهُ وَلِبْنُ مَاجَ عَنِ التُّفَيْلِ. Donc ça c'est l'autre citation qui est mentionnée, c'est la dernière citation qui est mentionnée dans ce chapitre, c'est la parole de Ibn Majah, dans que le hadith qui est apporté selon Ibn Majah, que At-Tufayl a dit selon Aïcha, Akhu Aïcha, non, c'est selon At-Tufayl, qui est le frère de Aïcha, Akhi Aïcha, li ummiha, qala, ra'aytuka anni ala nafarin min al-Yahoud. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد لما أصبحت لا أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحد أو أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا وأخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. Donc dans cette citation là qui est apportée selon Ibn Majah dans son Sunan, que At-Tufayl, At-Tufayl c'est le frère de Aïcha radiallahu anha par sa mère, il dit, At-Tufayl, j'ai vu dans un rêve un groupe de juifs. Et je leur ai dit, vous êtes des gens de bien, si seulement vous ne disiez pas que Uzair est le fils d'Allah. Et les juifs ont répondu, et vous êtes des gens de bien, si seulement vous ne disiez pas ce que Allah veut et Mohammed. Et ensuite, il est passé auprès d'un groupe de chrétiens et il leur a dit, vous avez du bien si seulement vous ne disiez pas que le Messie est le fils de Dieu ou le fils d'Allah. Et les chrétiens ont répondu, et vous êtes les gens du bien si seulement vous ne disiez pas ce que Allah a voulu et Mohammed. Donc, lorsqu'il s'est réveillé, il a informé les gens de ce qu'il avait vu dans son rêve. At-Tufayl. Oui, c'est un compagnon. C'est le frère de Aïcha, radiallahu anha. Oui, c'est le frère de Aïcha, puis on va expliquer pourquoi tout à l'heure. Oui. Et il a dit, j'ai vu dans un rêve que, il a expliqué ça aux gens, et il est allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par la suite, et lui a dit son rêve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, est-ce que tu l'as dit à d'autres? Il a dit oui. Alors il a glorifié Allah et il a louangé Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite il a dit, Tufayl a vu un rêve et il a informé certaines personnes de ce qu'il a vu parmi vous. Et vous dites une parole, c'est-à-dire vous dites une parole vous, que il y a certaines choses qui m'empêchaient de vous l'interdire. Il y a certaines choses qui m'empêchaient auparavant de vous dire, de ne pas le dire. Mais maintenant, ne dites plus « Masha'Allah wa sha'a Muhammad » et ne dites plus « Masha'Allah wa sha'a Muhammad » dites plus ce que Allah veut et ce que Muhammad veut. Dites ce que Allah veut lui seul. D'accord? Donc ça c'est la citation de At-Tufayl. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique. قوله والابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها الطفيل هو الطفيل بن عبد الله بن صخبة صخبرة الأزدي الطفيل بن عبد الله بن صخبرة الأزدي نسبة إلى الأزد أو إلى الأزد قبيلة عربية مشهورة وأبوه عبد الله بن صخبرة جاء إلى مكة قبل البعثة وحالف أبا بكر الصديق رضي الله عنه كما كان عليه الأمر في الجاهلية أنهم يتحالفون فيصبح الحليف أخا لحليفه يدافع عنه ويناصره ويحميه بل إذا مات يرثه ويصبح الحليف مختلطا بحلفائه كأنهم واحدا كأنه واحد منهم ثم نسخ الإسلام الأحلاف وأبطل الميراث الذي يكون بالحلف وقال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فجعل الميراث لأولي الأرحام يعني الأقارب دون الحلفاء ثم مات عبد الله بن صخبرة وكانت زوجته يقال لها أم رمان فتزوجها أبو بكر الصديق بعد حليفه عبد الله بن صخبرة فأنجبت منه عبد الرحمن ابن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان الطفيل ابن عبد الله أخا لعائشة من أمها Donc qu'est-ce qu'il dit? Le Cheikh il explique que Abdullah ibn Majah il a dit que At-Tufayl qui est le frère de Aisha. At-Tufayl c'est quoi son nom? C'est At-Tufayl ibn Abdillah ibn Sahbara al-Azdi de la tribu de Al-Azad qui est une tribu arabe très connue. Et donc son nom c'est At-Tufayl fils de Abdullah ibn Sahbara al-Azdi. C'est-à-dire que c'est ça, Tufayl, il n'a pas le même père que Aïcha, radiallahu anha. Il n'a pas le même père que Aïcha. Son père, c'est un autre homme, et on va expliquer pourquoi. C'est que Abdullah ibn Sakhbara, avant l'islam, il était venu à Mecca, et il a fait une alliance avec Abu Bakr, al-Siddiq, radiallahu anhu. Comme c'était à l'époque de la Jahiliya, des fois il faisait des alliances entre certaines personnes. Et lorsqu'ils faisaient une alliance entre eux, ils devenaient comme des frères, ok. Et donc, ils devaient le défendre et le protéger. Et lorsqu'il mourait, ils devaient le plaindre et dire ses qualités et le plaindre. Hein. Et il devenait comme un allié qui se mélange avec sa famille. C'est comme s'il devenait un membre de la famille. Et l'islam est venu annuler cette chose-là. Et avant l'islam, ils s'héritaient même entre eux. C'est-à-dire quand ils étaient alliés comme ça, ils devenaient même héritiers les uns des autres. Et l'islam est venu annuler ça. Il est venu annuler ce genre d'alliance. Et l'islam est venu également annuler ce genre d'héritage pour l'allié. Et maintenant, après ça, c'était devenu c'est-à-dire après ça c'était uniquement les membres de la famille des proches des liens de sang qui avaient droit à l'héritage et le verset qui montre ça c'est le verset 75 dans Sourate Al-Anfal qui dit que les gens qui ont des liens de sang ils ont plus de droits les uns par rapport aux autres dans le livre d'Allah c'est-à-dire qu'ils ont plus de droits à l'héritage et non pas les alliés. Et donc, l'héritage était uniquement pour les gens qui ont des liens de sang et des liens de parenté, et non pas les alliés, comme c'était le cas avant l'islam. Ensuite, Abdullah ibn Sakhr est mort, et sa femme s'appelait Umm Rumman. Et Abu Bakr a épousé sa femme après la mort de Abdullah ibn Sakhbara. Abu Bakr a épousé Umm Rumman. Et il a eu avec elle des enfants, et parmi les enfants qu'il a eu avec elle, il y a Abdurrahman ibn Abi Bakr et Aisha bint Abi Bakr, radiallahu anhum, ajma'in, et Aisha qui est l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, At-Tufayl, c'est le frère de Aisha, radiallahu anha, parce que il a la même mère que Aisha. Même s'il n'a pas le même père. D'accord? قال رأيت يعني في النوم الرؤيا والرؤيا حق وهي جزء من 46 جزءا من النبوة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن الرؤيا على ثلاثة أقسام القسم الأول حق وهو ما يجري على يد الملك على يد ملك الرؤيا يأتي إلى النائم فيريه بأشياء عجيبة فيستيقظ النائم وقد رأى هذه الرؤيا فتقع كما رآها. والنوع الثاني يكون من الشيطان وذلك أن الإنسان إذا نام ولم يذكر الله عند النوم ولم يقرأ آية الكرسي ولم يقرأ سور الإخلاص والمعوذتين ولم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويأتي بالأدعية المشروعة عند النوم فإن الشيطان يتسلط عليه ويقدر عليه نومه ويريه أشياء باطلة لا حقيقة لها من أجل أن يكدره. والسبب أنه لم يتحصن بالله من الشيطان قبل النوم. والنوع الثالث حديث النفس وذلك أن الإنسان يفكر في أشياء في اليقظة أو تهمه أشياء فإذا نام فإن هذه الأشياء تعرف له في نومه أو تعرف له في نومه لأنه كان مهتما بها في اليقظة. وهذا حديث نفس ليس له حقيقة وإنما هي أضغاث أحلام. الشيخ explique que Al-Tufayl a vu un rêve et il y a une narration qui dit que le rêve ou la vision pendant le sommeil, le rêve pendant le sommeil, elle est vraie, elle est véridique et c'est une partie parmi les 46 parties de la prophétie, qui fait partie de la prophétie. Donc il y a 46 parties, une d'entre ces parties-là c'est le rêve. Et l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah, dans son livre qui s'appelle Ar-Ruh, l'âme, il a expliqué les catégories de vision ou les catégories de rêves qu'on peut faire. Il a dit que la première catégorie de rêve, c'est celle qui est véridique et c'est celle qui vient de la part de l'ange de la vision. Il vient pendant le sommeil et il te fait voir des choses étonnantes et lorsque tu te réveilles, tu vois ces choses-là se produire réellement. Ça, c'est une catégorie de rêve. L'ange qui vient avec les rêves. C'est une sorte de rêve. Un ange qui vient avec des rêves. Des fois, qui vient te faire. Il y a des hadiths qui mentionnent ça. Il y a un hadith qui mentionne ces choses-là. Le cheikh, il a mentionné que ça, c'est mentionné par l'imam Ibn Qayyim dans le livre, mais il y a des hadiths sahih qui mentionnent cette histoire. Je pense même qu'on les a déjà mentionnés. Non, il n'y a pas un nom spécifique pour cet ange. D'accord? Il y a un ange qui vient avec ce rêve-là et qui fait voir à la personne des choses étonnantes. Et ça fait partie justement des visions, des choses que tu vois dans ton sommeil qui sont réelles. Ça, c'est un rêve vrai qui se produit par la suite. Il y a une autre catégorie de rêve qui vient du shaitan. Et ça, c'est lorsque la personne, elle s'endort sans mentionner le nom d'Allah, et sans réciter Ayat al-Kursi, et sans réciter Ayat al-Ikhlas, et les deux Mu'awwadhatan, al-Mu'awwadhatan, et il ne cherche pas le refuge en Allah contre le shaitan al-Rajim. Il vient avec certaines, c'est-à-dire il ne fait pas les du'as qui ont été mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du sommeil. Et donc, quand il s'endort, le shaitan vient et il prend le contrôle sur ses rêves et il lui fait voir dans son sommeil des choses qui ne sont pas réelles. Et il essaie de justement lui faire peur, de l'effrayer et de l'égarer par ces rêves-là. Et la raison de ça, c'est parce que il ne s'est pas protégé contre le shaitan rajim lorsqu'il s'est endormi. Et donc ça, c'est des signes, que le shaitan il peut venir dans ton rêve te faire voir des choses qui sont pas vraies. Et la troisième catégorie de rêve, c'est hadith al-nafs, c'est-à-dire c'est des paroles, hadith al-nafs, ça veut dire c'est comme si des choses que tu te dis en toi-même durant ton rêve. Que tu vois des choses que tu as imaginées, qui viennent de toi-même, qui viennent ni du shaitan, ni des anges, mais ça vient juste de ton imagination, ou bien c'est des choses durant la journée, c'est des choses qui t'ont vraiment marqué durant la journée, puis ça t'a marqué, donc c'est resté dans ta tête, puis quand t'as dormi, t'as pensé à ça, et donc t'as rêvé à ces choses-là. Et donc ça n'a rien à voir avec la réalité, c'est uniquement de l'imagination. Après le cheikh dit, وقوله كأني أتيت على نفر من اليهود. النفر الجماعة واليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام في الأصل. قيل إنهم سموا باليهود نسبة إلى يهودا ابن يعقوب. وقيل سموا بهذا سموا يهودا أخذا من قول موسى إن هدنا إليك يعني تبنى إليك من الهود وهو التوبة والرجوع إلى الله وهذا في الأصل ثم صار يطلق لفظ اليهود على المنتسبين إلى أتباع موسى وإن كانوا قد خالفوه في أشياء كثيرة وكذبوا عليه وأحدثوا في دينه الأشياء القبيحة من الشرك بالله والكلام في حق الله subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit qu'après, Toufail il dit qu'il a vu un groupe de juifs. On dit en arabe, le mot pour les juifs c'est le mot yahoud. Et al-nafar, ça veut dire un groupe. Donc les juifs qui sont-ils? Ce sont des gens qui suivent Moussa alayhi salam à la base. Ce sont des gens qui suivent Moïse alayhi salam à la base. Et il y en a qui disent que ça vient de la parole de Moïse dans ce que Allah mentionne des paroles de Moïse dans le Coran. Il dit, c'est-à-dire nous nous repentons à toi, ô Allah, en voulant dire que ça vient de Al-Hud, qui signifie la repentance, et il y en a d'autres qui disent que ça vient de Yahoud ibn Ya'qub, un des fils d'Israël, de Ya'qub, qui s'appelait Yahouda, c'est-à-dire il s'appelait Jude, hein, ou Judas. Donc à cause de ça, on a pris de ce nom-là les Juifs, Yahouda. Parce qu'en hébreu, il n'y a pas de J, hein, en passant. Donc, le J, quand vous voyez Jésus, Jonas, Jude, Judas, tout ça, ça n'existe pas en hébreu, le J, c'est le Ya, hein, le Y. Donc, c'est Yahouda. Et le cheikh, il dit, donc, que ça, c'est différentes explications. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, c'est différentes explications au sujet des gens qui ont suivi Moussa. وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُوهُ فِي أَشْيَاءٍ كَثِيرَةٍ وَكَذَبُوا عَلَيْهِ وَأَحْدَثُوا فِي دِينِهِ الْأَشْيَاءَ الْقَبِيحَ مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَالْكَلَامِ فِي حَقِّ اللَّهِ. Donc, à la base, ils suivaient Moïse. Mais aujourd'hui, ils ne suivent plus Moïse. Parce qu'ils ont contredit la religion de Moïse dans beaucoup de choses, et ils ont menti à son sujet, et ils ont inventé dans sa religion des choses laides, des formes de shirk et de paroles fausses à propos d'Allah, qui n'ont rien à voir avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, donc c'est ça. Après le shaykh dit, وَقَوْلُهُ قُلْتُ إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ هَذَا مَدْحٌ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْأَصْلِ عَلَى دِينٍ صَحِيحٍ ولولا أنكم تقولون عزير بن الله ينسبون الولد إلى الله وعزير اسم رجل منهم قيل إنه نبي وقيل إنه رجل صالح وعالم من علمائهم ولولا أنكم يعني لولا هذه المقولة الكافرة فيكم قالوا ردا على الطفيل إنكم وأنتم لأنتم القوم يمدحون المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فيه أن الإنسان يرى عيب غيره ولا يرى عيب نفسه وإن كان عيبه أكبر من عيب غيره وفيه قبول الحق ممن جاء به. Donc le cheikh il dit que après At-Tufayl il a dit vous êtes des gens de douan, ça c'est une qualification pour lui dire وإنكم لأنتم القوم, hein, c'est comme s'il les glorifie et il dit à la base vous avez une religion qui était correcte, vous les juifs, hein. Si seulement vous n'aviez pas dit, par exemple, Uzair ibn Allah, et ils attribuent donc un fils à Allah subhanahu wa ta'ala. Uzair, on dit que c'est un homme parmi eux, soit que c'était un prophète, et d'autres disent que c'était un homme pieux ou un savant parmi leurs savants. D'accord? Donc, c'est pour dire que ça, c'est un exemple parmi les problèmes que les juifs ont dans leur religion, qu'ils ont changé par rapport à ce que Moïse leur avait amené. Mais c'est juste pour donner un exemple, pour dire, ce qu'ils ont de problème dans leur croyance, dans leur religion. Après, il dit, si seulement, si seulement vous ne disiez pas cette parole de kufr, vous auriez été correct ou mieux. Et eux, ils ont répondu à Tufayl en disant, et vous, vous êtes des gens de bien, vous les musulmans, si seulement vous ne disiez pas ce que Allah veut et ce que Muhammad veut. Parce que, le cheikh il dit, parce que l'être humain, il voit toujours le défaut de l'autre, et il ne voit pas son défaut à lui. Et même si son défaut à lui est plus grand que le défaut de l'autre. Et donc, il y a dans ça le fait d'accepter la vérité de celui qui vient avec. Et donc, le cheikh il dit par exemple, les juifs, ils avaient un défaut ou des erreurs. Et leurs erreurs sont beaucoup plus graves que les erreurs que les musulmans ont, ou que les musulmans avaient, à cause des formes de kufr et de shirk que les juifs font. Mais malgré tout, ils ne voient pas leurs erreurs à eux, ils voient juste les erreurs des musulmans. Hein? Et ils cherchent à voir les défauts chez les musulmans. Et encore aujourd'hui, vous voyez cette attitude-là chez les juifs et chez les chrétiens. Quand ils parlent de l'islam, ils cherchent toujours à pointer les défauts des musulmans. Hein? Et chez les gens de Bid'a, ils cherchent toujours à pointer les défauts chez les gens de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a et les salafinines. Donc quand ils vont voir les salafis, ils vont dire, ah vous les salafis, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Et ils oublient eux les défauts et les erreurs qu'ils ont dans leur manhaj, dans leur aqida et dans leur question de croyance. Donc c'est toujours des choses de ce genre-là. Donc le cheikh il dit ensuite, il continue la citation, il dit قال ثم مررت على نفر من النصارى والنصارى أتباع عيسى عليه السلام في الأصل وقيل سموا نصارى نسبة إلى البلد الناصرة في فلسطين وقيل سموا نصارى من قولهم نحن أنصار الله فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله وهو عيسى ابن مريم سمي بالمسيح لأنه يمسح بيده على ذي العاهة فيبرأ بإذن الله والنصارى غلوا في المسيح كما غلت اليهود في عزير. Donc il dit ensuite ils ont dit après il est passé près d'un groupe de chrétiens et on dit en arabe les chrétiens les appellent nasara en arabe les nazariens en fait on les appelle pas les chrétiens on les appelle en arabe al-nasara et en arabe les chrétiens, ils s'appellent Masihiyun ou Masihiyun, les gens qui suivent Al-Masih. Et dans le Coran, Allah les appelle Al-Nasara, les gens qui suivent les Nazariens. Il y en a qui disent que ça vient d'un endroit ou d'une région, d'une ville qu'on appelle Nasara ou Nazareth, d'accord. Et ils disent que c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. D'autres disent qu'on les appelle Nasara à cause du fait qu'ils ont dit « Nahnu Ansarullah ». C'est-à-dire on est venu pour défendre la religion d'Allah et la vérité qui vient d'Allah. Hein? Donc ça c'est des explications à ce sujet-là. Et eux ils ont, et il a dit à Tufayl, vous êtes des gens de bien si seulement vous ne disiez pas al-Masih ibn Allah, que le Messie est le fils d'Allah. Nahnu ansarullah. Oui, ansarullah. C'est non. Donc, c'est ça, si seulement vous ne disiez pas que le Messie est le Fils d'Allah. Et on l'appelle Al-Masih, Jésus on l'appelle Al-Masih, le Messie, parce que certains ont expliqué que c'est parce qu'il frotte quelqu'un avec sa main, et puis la personne devient guérie si elle a un handicap ou quelque chose. Donc, il est guéri par la permission d'Allah. Donc, les chrétiens ou les nasara, ils ont exagéré à propos de Jésus, Al-Masih, de la même façon que les Juifs avaient exagéré au sujet de Uzair. Ensuite, le Cheikh dit, ثم رد عليه النصارى بمثل ما قاله اليهود من الطفيل. فلما أصبحت, ensuite, les chrétiens, ils ont répété la même critique que les Juifs. Ils ont dit, vous étiez bien si seulement vous ne disiez pas ce que Allah veut et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Al-Tufayl, il a dit, قال Al-Tufayl, فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أخبرت بها أحد أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد وهذا فيه دليل على مشروعية حمد الله والثناء عليه في بداية الكلام لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر ولهذا افتتح الله كتابه العظيم القرآن بالحمد لله بالحمد لله رب العالمين وفيه استحباب الاتيان بأما بعد وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. Ensuite, الطفيل a dit, quand je me suis réveillé, j'ai informé certaines personnes, puis je suis allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu l'as dit à d'autres personnes? Tufayl a dit, oui, je l'ai dit à certaines personnes. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a glorifié Allah, et il a louangé, et il a ensuite dit, il a dit, amma ba'd, hein, amma ba'd, ça veut dire, et ensuite, donc c'est comme pour sauter d'un sujet à un autre, entre les deux tu dis amma ba'd, et donc il dit il y a dans ça la preuve qu'on peut commencer et que c'est accepté, que c'est permis dans l'islam de commencer une parole en disant alhamdoulilah, en fait que ça fait partie même de l'islam de commencer toute parole qu'on fait par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala et la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de commencer à parler à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute chose qui est importante, qu'on ne commence pas avec la louange d'Allah, elle est coupée, ou elle est sans bénéfice ou sans fruit. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça que le livre d'Allah est commencé par, dans le Coran, par Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Et il y a dans ça le fait que c'est quelque chose de recommandé et de bien de dire amma ba'd avant de sauter à un autre sujet. Et après le cheikh dit fa inna tufaylan qad ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum innakum qultum kalimatan yamna'uni kaza wa kaza an anhaakum anha qila kana yamna'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-haya li'annahu lam yunzal 'alayhi wahyun fi al-man' minha فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده لما نبههم على خطأ هذه الكلمة أرشدهم إلى البديل الصالح منها وهو أن يقولوا ما شاء الله وحده فهذه القصة فيها فوائد عظيمة ودروس وعبر مثل الشيخ الزي كالطفيل. Il a vu dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux sahaba et il a dit à Tufayl, il a vu dans son rêve telle et telle chose et il a informé certains d'entre vous de ça et que vous dites une parole que je ne voulais pas vous interdire parce que certaines choses m'avaient empêché de le faire et certains ont dit que qu'est-ce qui empêchait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'interdire. Qu'est-ce qui l'empêchait de l'interdire, cette chose-là, c'était la gêne. Il était gêné de l'interdire, car il n'avait pas encore reçu de révélation pour l'interdire à ce moment-là, auparavant. Puis, là, le cheikh, il dit, ne dites pas, Masha'Allah wa Sha'a Muhammad, ne dites pas ce que Allah veut et Muhammad. Mais dites ce que Allah veut lui seul. Donc il aura informé par la suite que c'était une erreur de dire Masha'Allah wa Sha'a Muhammad et il les a orientés et il leur a indiqué qu'est-ce qui était l'alternative qui était bonne à cette parole-là et c'était plutôt de dire ce que Allah veut lui seul. Maintenant, on a terminé d'expliquer ce chapitre-là, c'est juste les six points qui résument le chapitre que le cheikh a mentionné. الفائدة الأولى لبرمي بوين أن الرؤيا حق ولهذا لا يجوز الكذب في الرؤيا وجاء في الحديث الوعيد على ذلك لبرمي بوين c'est que la vision est véridique quand tu as un rêve et qu'il y a une vision que tu vois une vision dedans ça c'est véridique et c'est pour ça qu'il n'est pas permis de mentir à propos d'une rؤيا comme les soufis par exemple qui inventent des mensonges à propos des visions qu'ils ont ils disent que qu'ils reçoivent des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des révélations ils se basent sur les rêves pour interpréter la religion, alors ça, bien entendu, ça fait partie de leur mensonge. Parce que c'est contraire à la charia, ils amènent des choses contraires à la charia dans ces rêves-là. Et donc ça, c'est bien entendu des mensonges. Et il y a des menaces très graves à ce sujet-là. Et il y en a même parmi eux, les soufis, qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur apparaît en état d'éveil et il leur dit des choses. Hein. Ils viennent rencontrer leur chouyour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient rencontrer leur chouyour en état d'éveil pour leur dire des choses de la religion. Et ça, bien entendu, c'est des grands mensonges aussi. Aux rêves et aux visions aussi. Et le cheikh dit Al-Faïda Tufaniya, le deuxième point, c'est Fahmul Insan, إذا كان له هوى فهؤلاء اليهود والنصارى لما كان لهم هوى في حق المسلمين لاحظوا هذه المسألة لا حبا في الخير ولا حرصا على التوحيد ولكنهم يريدون بذلك تنقص المسلمين والتماس عيوبهم وإن كان في اليهود والنصارى عيوبا أكثر منها. الشيخ الزي the deuxième point c'est que la compréhension d'une personne lorsqu'elle a une passion qu'elle suit ça se limite à ça. C'est que les juifs et les chrétiens, par exemple, étant donné qu'ils ont une passion en eux par rapport aux musulmans, ils ont une haine contre les musulmans, alors ils voient uniquement ces points-là qui sont des défauts ou des fautes chez les musulmans. Et quand ils disent aux musulmans, vous avez tel ou tel ou tel défaut, c'est pas parce qu'ils veulent du bien aux musulmans, et c'est pas parce qu'ils ils veulent le tawhid pour les musulmans, non, c'est parce qu'ils cherchent à rabaisser les musulmans et à chercher leurs défauts et leurs fautes pour les discréditer. Hein. Et la même chose, on peut dire la même chose par rapport aux gens de bid'ah, leur attitude envers les gens qui suivent la sunna et qui suivent le manhaj des salafs, c'est la même chose. Ils cherchent chez les salafiyins des fautes et des défauts, pas pour le bien, pas pour les ramener à la vérité, uniquement pour essayer de les faire tomber aux yeux des gens. Et donc ça c'est l'exemple de la personne qui suit ses passions. Alors que eux-mêmes, ils ont plus de défauts que les salafiyins, et les juifs et les chrétiens ont beaucoup plus de problèmes que les musulmans, mais ils veulent pas voir leurs défauts à eux, ils veulent juste voir les défauts des musulmans. Et ça vous pouvez le voir dans les médias, quand ils parlent des musulmans, ils nous montrent comme si on est des gens qui n'ont rien de bon, et ils oublient même de regarder leurs défauts à eux. Après le chef dit الفائدة الثالثة قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا لأن الحق ضالة المؤمن والرجوع إلى الحق فضيلة. Troisième point, on doit accepter la vérité de quiconque l'amène, même si c'est notre ennemi, parce que la vérité c'est comme l'objet perdu du croyant. Peu importe où il la trouve, elle lui appartient, et de revenir à la vérité c'est un mérite, c'est un grand mérite et c'est une grâce. Hein? Non. Ouais. Le revenir à la vérité, c'est une grâce, c'est un mérite. Il faut pas avoir honte. C'est-à-dire, si quelqu'un il vient te voir et te dit, ah toi t'as dit telle affaire, t'as fait telle chose. Toi tu dis oui c'est vrai, j'admets que je l'ai fait, j'admets que j'ai dit ça et c'est une erreur et je m'excuse et je reviens sur ces paroles-là et je corrige mon erreur. Et ça, c'est une grâce pour toi, et c'est un bien pour toi. Il faut pas donc s'enfler d'orgueil et rejeter la vérité parce que ça vient de ton ennemi. Le cheikh il dit, Al-Fa'ida Turabi'a, le quatrième point. فيه دليل على أن من نهى عن شيء أو منع عن شيء من أو منع من شيء كان له بد أو نعم من أن من نهى عن شيء أو منع من شيء وكان له بديل صالح أن يأتي بالبديل. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من هذه الكلمة ما شاء الله وشاء محمد ثم أتى بالبديل الصالح الذي ليس فيه محذور وهو أن يقال ما شاء الله وحده. الشيخ يقول في الكاتريام بوين il y a la preuve là-dedans que lorsque tu interdis quelque chose à quelqu'un ou que tu l'empêches de faire quelque chose et que tu sais qu'il y a une alternative qui est bonne, alors indique aux gens l'alternative qui est bonne à ce sujet-là, s'il y en a une. Hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cet exemple, dans ce hadith, il a dit ce qu'Allah veut et ce que Mohammed veut, de dire ça c'est haram, c'est interdit. Mais il nous a indiqué la chose qui est bonne à dire en alternative à cette parole-là, et qui ne contient rien de mal, et c'est de dire, dit ce que Allah veut lui seul. Donc, on doit essayer toujours de donner l'alternative qui est positive aux gens lorsqu'il y en a une. Et en même temps aussi, il ne faut pas non plus tomber dans l'erreur de certains des hizbiyyins, parmi les ikhwan et d'autres, qui, à chaque fois qu'on dit que quelque chose est haram, ils essaient de, soi-disant au nom de l'alternative, inventer ou fabriquer une chose qui n'existe pas dans l'islam pour le rendre halal. Comme par exemple, si tu leur dis la musique c'est haram, ils vont inventer le rap halal, ou le rap islamique, ou la musique islamique, ou les banques islamiques, ou le théâtre islamique, ou bien yani, le hijab, yani, la mode islamique, les costumes de bain islamiques, le burkini, ou d'autres trucs de ce genre. Et yes, c'est ça. Donc, toutes ces choses-là, c'est des exemples de gens qui veulent essayer de rendre halal des choses haram au nom de l'alternative. Et ça, c'est pas des alternatives permises. Il faut prendre des alternatives dans la charia, dans ce qui vient d'Allah, et non pas dans nos désirs et nos passions. Le cheikh, il dit, al-fa'idatu al-khamisa, wa hiya allati saqa al-musannif al-hadith min ajliha, anna kalimat ma sha'allahu wa sha'a fulan, wa law kana nabiyya min al-anbiya, shirkun billah, yajibu tarkuhu, wa law kana nabiyya min al-anbiya, shirkun billahi, يجب تركه ولكنه من الشرك الأصغر بدليل قوله يمنعني كذا وكذا وإذا كان الإنسان لم يقصد معناه فإنه شرك في الألفاظ فيجب تركه واجتنابه والابتعاد عنه. Le Cheikh dit comme cinquième point, l'auteur du livre, c'est-à-dire le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il a mentionné ce hadith-là dans le but de faire comprendre que la parole, ce que Allah veut et ce qu'un tel veut, que c'est pas permis, même si ça vient, même si c'est à propos d'un prophète, c'est-à-dire même si tu dis, même si que la personne que tu associes ou que tu mets à égalité avec Allah là-dedans, c'est un prophète, c'est quand même une forme de shirk et c'est obligatoire de l'abandonner. C'est-à-dire tu n'as pas le droit de dire ce que Allah veut et un prophète, hein, même si c'est un prophète. Alors encore moins, tu as encore moins le droit de le dire à propos de quelqu'un d'autre. Donc c'est une forme de shirk, mais c'est une forme de shirk mineur, comme on a dit tout à l'heure. Et c'est, la preuve de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y avait telle ou telle chose qui m'empêchait de vous l'interdire. Si c'était une forme de shirk majeur, il n'aurait pas pu attendre ou s'empêcher de l'interdire, il aurait interdit tout de suite. Et étant donné qu'une personne, si elle le dit sans avoir l'intention vraiment de ce qu'elle dit, dans ce cas-là c'est un shirk, seulement un shirk mineur, c'est un shirk dans les paroles. Et malgré tout, c'est obligatoire de l'abandonner et de cesser de le dire et de s'en éloigner et de s'en écarter. Et le point numéro 6, الفائدة السادسة أنه لا يجوز الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم وإشراكه مع الله في شيء ودعاؤه والاستغاثة به من دون الله لأنه نهى أن يقال ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. فما بالك بمن أشد بمن هو أشد من ذلك في أنواع الغلو. Le Cheikh dit comme sixième point, et c'est le dernier point, qu'on n'a pas le droit d'exagérer au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'associer avec Allah sallallahu alayhi wa sallam en quoi que ce soit, dans le du'a et dans l'istirata, dans le fait de rechercher le refuge en lui. On n'a pas le droit de chercher le refuge et de faire des du'a à autre que Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de dire ce qu'Allah veut et ce que Mohammed veut. Donc, si ça c'est interdit de dire ça, alors que dire de des autres formes qui sont encore plus graves dans les formes d'exagération qui sont faites au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc avec ça, on vient de conclure le chapitre 44 et donc on termine inchallah ici et puis on commencera la semaine prochaine, inshallah, le chapitre 45. Babu man sabba ad-dar faqad aza Allah. C'est-à-dire au sujet de ceux qui insultent le temps, et que ça c'est quelque chose qui, que Allah n'aime pas. Et on va l'expliquer la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayh.